Bené Jachen, Jonathan. Shama, Darar. Akiam, fils de Charar, Darar. Eliphelet, fils d'Akasbaï, fils d'un Maacassien. Eliam, fils d'Akitophel, de Gilo. Etsraï, de Carmel. Paharaï, d'Arab. Jigel, fils de Nathan, de Tsoba. Bani, de Gad. Tselek, l'Ammonite. Naharaï, de Béhéroth, qui portait les armes de Joab, fils de Tseruja. Ira, de Jéter. Gareb, de Jéter. Uri, le Hétien. En tout, 37.